Poilu, de Sigolène Vinson et Yves Ramonet. Troisième salve. Coco's Tour, 1915. Mais c'est charmant ici. Mon Dieu, tous ces sacs de sable. C'est excentrique. Mais adorable, on dirait un jardin d'enfants. Ah, on joue déjà un peu à la guerre, alors forcément. Hein. On s'occupe comme au bac à sable. C'est attendrissant, cette faculté à conserver son âme d'enfant aussi longtemps. Aïe, pardon. Vous devez être fier de vos hommes, capitaine. Oula. Ah, ça, pour être fier, il est fier. Et attention, il n'a pas que des enfants à charge, mais aussi des Mongols. Les Mongols sont aussi en guerre ? Vous êtes incroyable, cher Coco l'oiseau. Vous ne trouvez pas, mon capitaine ? Bon, on s'arrête là, Dreyfus. Pas la peine d'en rajouter. Pardon, j'ai mal. Bien, ça n'est pas tout. Pour que vous ne soyez pas venu pour rien, on va essayer d'organiser au mieux votre petit numéro. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, avec grand plaisir. On va être aux premières loges. Messieurs, je ne vous ferai pas l'insulte de vous présenter Mademoiselle Coco l'oiseau, baron de Varney. La sublime Coco, l'oiseau de paradis, la perle du Moulin Rouge, mais qui ne la connaît pas. Notre aumônier, le père Trouillot. Ma fonction sacerdotale fait que je n'ai que vaguement entendu parler d'elle. Entendre parler, c'est un peu ce qui est arrivé à Jeanne d'Arc. Hein. Et vous voyez où ça l'a mené, la pucelle? Puisque vous parlez de pucelle, je me demande si la présence de Mademoiselle l'oiseau au sein de nos tranchées est une bonne idée. Que voulez-vous dire, mon père? On est sur le front, pas dans un bordel militaire de campagne. Non, mais traitez-moi de catin aussi pendant que vous y êtes. Je ne m'appelle pas Miss Tinguette. Ne vous énervez pas, Coco. Le père Trouillot a le verbe plus leste que la main. N'empêche qu'il vient de me traiter de pute. Bon, on va s'arrêter là. Si j'ai fait venir Mademoiselle l'oiseau en nos tranchées, c'est pour égayer le quotidien assez sombre de nos hommes. Ces enfants auxquels la nation réclame un dû plus que conséquent. Qu'est-ce qu'il dit, là? Rien. Il négocie. Et moi, j'affirme, en tant qu'homme d'église, mettre ces enfants, justement, qui pour la plupart n'ont jamais quitté le foyer familial, la quiétude et la sainteté d'un environnement propre, le sein réconfortant d'une mère courage, mettre mes ouailles en présence d'une femme de petite vertu, c'est les exposer à un danger de plus. Question danger, il y a une petite différence entre une artiste de cabaret et une machine Engewehr Null Art. C'est quoi une machine Engewehr Art? Une mitrailleuse allemande d'une très grande qualité. L'allemand, on peut en dire ce qu'on veut, a le sens de l'efficacité. Question armement, moi j'ai toujours eu tout ce qu'il faut, là où il faut. Qu'est-ce que je vous disais? On risque déjà le choléra, la dysenterie et le typhus. Et vous nous apportez la syphilis. Je me demande si j'ai fait le bon choix. Ce qui m'importe, Mademoiselle l'oiseau, c'est d'avoir une petite idée de votre spectacle. Que vous jouerez le moment opportun. Le moment opportun, il existe? Quand les hommes ne montent pas à l'assaut. Quand nos hommes partent à l'assaut, ils ne sont plus dans la tranchée. Et quand ils reviennent, ils ne sont plus tous dans la tranchée. Oh. C'est le don des fils de la nation à l'honneur de la patrie. Oui, bon, on va faire plus simple. En quoi consiste le clou de votre spectacle? Alors, mes enfants, le clou de Coco, c'est moi. Et c'est aussi une chanson. Vous voulez que je vous la chante? S'il vous plaît. Allons-y. Mademoiselle, nous vous écoutons. Il est temps. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Ratte. Sagte so gut! Einst Lili Marlen, wie einst Lili Marlen. Tu t'es trompé de plancher! Sann wie eine raus, dass wir uns atmen, das Samen leicht heraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlen. Elle a plutôt un joli filet de voix. Oui. Mais c'est quand même pas gagné. C'était Les Poilus de Sigolène Vinson et Yves Ramonet. Troisième salve avec Olivier Clavrie, Alain Fromager, Catherine Tartarin, Pierre-Jean Pagès, Julien Alouf et Henri Alexandre, Julien Aluguette, Bertrand Farge, Jorgen Egelo, Johannes Hahn, Werner Kolk, Léonard Pathé, Pierre-Marie Schneider et Mathias Simon. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Équipe de réalisation, Éric Boisset, Jean du Cimetière, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zand.